L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. L'évolution de la température à l'intérieur du Soleil en fonction de la distance du centre, c'est-à-dire son profil de température, est contrôlée par l'absorption du rayonnement par la matière stellaire, ce qu'on appelle l'opacité. Plus la matière est opaque, plus elle retient, entre guillemets, le rayonnement produit, et donc plus la température est élevée. L'opacité dépend de deux paramètres. D'une part, le pouvoir absorbant intrinsèque de la matière en question, et d'autre part, sa densité ou abondance dans la zone considérée. Jusqu'à présent, aucune expérience n'était parvenue à mesurer cette opacité dans les conditions qui sont celles de l'intérieur du Soleil, ce qui pouvait apporter de grandes incertitudes dans les modèles stellaires développés. Le problème est même devenu criant à partir du moment où des analyses spectrales précises de la photosphère du Soleil ont montré que les abondances en carbone, azote et oxygène devaient être revues à la baisse de 30 à 50%. Or, une fois cette révision introduite dans les modèles, ces derniers n'étaient plus cohérents avec les observations en héliosismologie qui permettent de déterminer la structure interne de notre étoile par des mesures d'oscillation acoustique. L'opacité devait être près de 15% plus grande pour que modèles et observations redeviennent cohérents. Une opacité plus grande permet de compenser une abondance plus faible d'éléments absorbants. Il faut savoir que le fer, présent en relativement faible quantité dans le Soleil, à lui seul produit environ un quart de l'opacité des couches internes solaires situées à la frontière des zones dites de radiation et de convection. Une équipe de physiciens américains et français, menée par John Bailey du Sandia National Laboratories, s'est donc lancée dans des mesures inédites de l'opacité du fer dans des conditions extrêmes qui sont celles des couches internes du Soleil. Ils publient leurs résultats cette semaine dans la revue britannique Nature. Ces mesures d'opacité en fonction de la longueur d'onde ont été effectuées à des températures d'électrons de l'ordre de 2 millions de Kelvin et des densités d'électrons comprises entre 0,7 et 4 10 puissance 22 électrons par centimètre cube, ce qui est très proche des valeurs existant à la frontière des zones radiatives et convectives du Soleil. Ces mesures hors du commun ont été effectuées dans l'installation Z du Sandia National Laboratory à Albuquerque, au Nouveau-Mexique. Z est une machine unique au monde qui a été développée depuis quelques décennies pour la mise au point des armes nucléaires américaines. Il s'agit d'une énorme machine à impulsion électromagnétique qui permet de produire des bouffées de rayons X qui vont ensuite créer des phénomènes d'augmentation de densité et température extrêmes sur un échantillon de matière. Exactement ce qui se passe au cœur d'une explosion thermonucléaire ou bien au cœur d'une étoile. Pour donner quelques chiffres, Z consomme un courant de 26 millions d'ampères à chaque tir pour produire une énergie de rayon X de plusieurs mégajoules. Dans les années 90, la température maximale atteinte avec Z n'excédait pas 0,9 millions de Kelvin. Puis une amélioration de la plateforme expérimentale en 2007 permit d'atteindre 1,8 million de Kelvin. Et le pas supplémentaire fut franchi ces toutes dernières années, notamment par l'optimisation de l'échantillon de fer magnésium utilisé dans l'expérience, qui ne dure que quelques nanosecondes. Les physiciens ont reproduit plusieurs mesures entre mars 2011 et mars 2014 en faisant varier le ratio température sur densité électronique afin de comprendre les phénomènes jouant sur l'évolution de l'opacité du fer. Et les valeurs d'opacité qu'ils obtiennent sont beaucoup plus grandes que celles imaginées auparavant, entre 1,3 et 4 fois plus grandes en fonction de la longueur d'onde. Ces réévaluations permettent ainsi d'expliquer la moitié de l'augmentation de l'opacité nécessaire pour faire coller modèles et observations du Soleil. Sans oublier que le fer, le seul élément sur lequel on portait ces expériences, n'est que l'un des nombreux éléments contribuant à l'opacité des couches internes du Soleil. Cet article est donc paru dans Nature, daté du 1er janvier 2015. Et il s'intitule Higher Than Predicted Measurement of Iron Opacity at Solar Interior Temperatures par John Bailey et ses collègues. À bientôt sur Ça se passe là-haut, www.saspasselahaut.fr.